franceinter.com. Est-il le Fouquet de Sa Majesté Poutine, l'homme richissime qu'on jalouse et qu'on peut envoyer par une simple lettre de cachet à la Bastille, ou plutôt, dans le cas présent, vers les terres glacées de l'ancien Goulag? La ressemblance est en effet troublante entre le milliardaire Khodorkovsky, l'homme le plus riche de la Russie, et l'ancien surintendant aux finances de Louis XIV. Une simple anecdote m'a inspiré cette comparaison. Un jour, raconte un banquier occidental, j'ai vu comment les gardes du corps de Poutine regardaient ceux de Khodorkovsky, mieux équipés et habillés qu'eux. Cela les agaçait. J'ai eu l'impression d'un Poutine pauvre par rapport à ce magna de l'économie. Louis XIV n'avait-il pas été de la même façon humilié lorsque Fouquet l'avait invité dans son fastueux château de Vaux-le-Vicomte? Bien sûr, d'autres raisons, beaucoup plus profondes, expliquent l'arrestation du milliardaire russe et la décision du maître du Kremlin de le briser et même de le ruiner. Nous allons voir cela dans un instant avec M. X. L'affaire de l'oligarque Khodorkovsky illustre en tout cas de façon particulièrement éclairante l'histoire récente de la Russie depuis l'implosion de l'URSS et les dérives d'un pouvoir tenté par l'absolutisme. Hop ! Hop ! Когда переехал, не помню, наверное, был я бухой. Ой-ой-ой, мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру, ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. Меня мусор, прописки, мол, нет никакой, то я отвечаю спокойно. Мой адрес сегодня такой. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру, ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. Не помню, наверное, был я бухой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой, такой, такой. ВВВ Ленинград, ВВВ.ру, ВВВ Ленинград, ВВВ.ру. Ой, ру, эй, опа. Vous avez sans doute en mémoire les traits de Mikhaïl Khodorkovsky. L'une de ses dernières photos prises lors de son récent procès montre un quarantenaire au visage rond, doux et souriant, extraordinairement jeune malgré les privations et les dures conditions d'enfermement qu'il a subies depuis 2003. Avec des lunettes cerclées qui lui donnent un air d'intellectuel. Ouais, le visage d'un homme sympathique. Hein. Et intelligent, un personnage qui a sans doute longtemps joué de sa séduction naturelle pour en arriver là où il en était en 2003. Enfin, juste avant son arrestation, c'est-à-dire au sommet de l'économie russe. Ouais, le plus riche des oligarques. À la tête d'une fortune personnelle estimée à 3 ou 4 milliards de dollars. Et sans déflorer la suite de cette histoire, il paraît évident que c'est l'importance démesurée de cette fortune qui a causé sa perte. Quoi ? Elle a été mal acquise ? Ah ben ça, c'est un autre problème. Enfin, on le verra dans un instant. Non, un tel magot inspirait les plus grandes craintes. Car Khodorkovsky pouvait l'utiliser pour assouvir ses ambitions politiques. Et cela, Poutine ne le supportait pas. Bon, enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, d'accord, mais comme d'habitude. Alors racontez-moi comment Khodorkovsky a fait pour en arriver là. Volontiers. Mais auparavant, une remarque. En ouvrant ce dossier, j'ai beaucoup pensé à Dostoïevski. Quel rapport, hein ? Son itinéraire, Khodorkovsky, pourrait être un personnage du romancier russe. Celui d'un homme d'abord idéaliste, qui sacrifie ensuite tous ses principes pour faire fortune. Et qui, parvenu au fait, prend conscience des mauvaises actions qu'il a commises. Et finit par se repentir. Ah, mais c'est à peu près ça. Ouais, la prison l'y a peut-être un peu aidé. Certainement, même si Khodorkovsky a évolué avant même son arrestation. Alors, je réponds à votre question. Mikhaïl, petit nom Micha, est né en 1963 à Moscou au sein d'un couple d'ingénieurs chimistes. Le père est d'origine juive et la mère est issue d'une famille d'aristocrates qui a souffert de la répression stalinienne. En dépit de ce passé, cet enfant unique est élevé dans l'amour de la mère patrie. Ah, c'est un petit soviétique modèle. Oui, il passe toutes ses vacances dans les chantiers de jeunesse et il adhère à l'organisation des jeunes communistes. Les Komsomols. Et il s'y montre très actif. C'est déjà un organisateur de talent. Parallèlement, il fait de brillantes études scientifiques et à 23 ans, il obtient son diplôme de chimie de l'Institut Mendeleïev de Moscou. On est alors en 1986, Gorbatchev est au pouvoir. C'est très important, car le numéro 1 soviétique envisage déjà de faire évoluer le régime. Oui, perestroïka et glasnost. Mais aussi transformation du système économique. Et pour cela, Gorbi compte s'appuyer sur les Komsomols. Il va en effet encourager les plus dynamiques de ses militants à créer des coopératives commerciales gérées de façon autonome. Ouais, l'amorce d'une économie de marché, au fond. Exactement. Ces entreprises, dont certaines vont rapidement prospérer, sont en quelque sorte des écoles de capitalisme et vont former des hommes d'affaires très entreprenants. J'ajoute, mais vous vous en doutez, que la nomenklatura et le KGB suivent cela de très près. Ouais, les hommes du KGB qui préparent leur reconversion. Ah, car ils pressentent que le régime est à bout de souffle. Leur ancien patron, Yuri Andropov, les a d'ailleurs prévenus depuis longtemps. Par conséquent, ils investissent. Mais avec quel argent ? L'argent du Parti communiste. Alors, ce fameux trésor là, qui aurait disparu peu avant l'écroulement de l'Union soviétique. Exactement. Les sommes qui n'ont pas été placées dans des comptes à l'étranger l'ont été dans ces coopératives, qui connaissent rapidement un grand succès et vont donner naissance à de solides entreprises capitalistes. Et Khodorkovsky lui-même, alors ? Militant exemplaire des Komsomols, il est naturellement l'un des premiers à se lancer dans l'aventure. Mais ses débuts sont plutôt calamiteux. Expliquez, hein ? Khodorkovsky commence d'abord par ouvrir un café dans l'enceinte de son institut de chimie. Mais c'est un échec commercial. Cependant, ça ne leur bute pas et ils créent un centre, enfin je cite, pour la créativité scientifico-technique de la jeunesse. Ça sent le jargon bureaucratique. Ah oui, raison, de moi. Oui. Et l'objectif Il s'agit en principe d'apporter des solutions techniques aux problèmes rencontrés par les entreprises industrielles et surtout de récupérer de l'argent fédéral affecté aux projets scientifico-industriels. Oui, une pompe à fric, quoi. N'exagérons pas, mais il y a effectivement de cela. Alors, le jeune militant communiste pur et dur l'a déjà mis de l'eau dans son vin. C'est vrai. Il pense à s'enrichir grâce à l'argent de l'État. Et d'emblée, il fait une très bonne affaire. Le directeur d'un prestigieux institut scientifique de Moscou, épaté par son dynamisme, alloue un crédit de 170 000 roubles à sa coopérative, la Ménatep. Une somme très importante pour l'époque qui ne sera jamais affectée à un quelconque projet scientifique. Mais ça ressemble à du vol, non ? En effet, Khodorkovsky utilise toutes les failles d'un système en pleine mutation pour siphonner l'argent public et l'utiliser à son profit. Une sorte de privatisation de l'argent de l'État. Exactement. Et toujours dans le même dessin, il s'abouche avec quelques entreprises exportatrices pour acheter un taux préférentiel des dollars contre des créances d'entreprises publiques. Le hic, c'est que ces entreprises ne lui appartiennent pas. Et il n'est pas inquiété ? Ah bah pas du tout, ces petits trafics arrangent tout le monde. Et ce n'est qu'un début. En même temps, il se lance dans le commerce des ordinateurs, des matériels encore rares en URSS. Il achète donc des machines à l'ouest et les revend à prix d'or à l'est. Mais attendez, pour se livrer là, à ce genre d'activité, il faut qu'il bénéficie de solides appuis. Ah, c'est évident. Ça lui permet de franchir une étape supplémentaire en 1989. Sa Ménatep se transforme en banque commerciale grâce aux prêts obtenus auprès d'une filiale de la Banque d'État. Une filiale spécialisée dans les prêts sociaux. Mais Khodorkovsky n'a cure de cette raison sociale. La Ménatep devient en peu de temps l'un des établissements financiers les plus importants du pays. Et ce sera aussi l'une des plaques tournantes de l'évasion des capitaux russes. Ouais, là, j'imagine qu'on retrouve l'argent caché du Parti communiste. Bien entendu. Ouais. En tout cas, la Ménatep ne cesse de grossir, multiplie les acquisitions. C'est maintenant un véritable holding qui regroupe plusieurs banques et entreprises. Et en 1990, lorsque Khodorkovsky met en vente des actions Ménatep dans le public, il récolte plus d'un milliard de roubles. Ça veut dire qu'il inspire confiance. Et c'est une vraie réussite capitalistique dans un pays qui, en principe, demeure socialiste. Khodorkovsky est donc une sorte de pionnier. Et la suite est prévisible. Le jeune homme se lance dans la politique et, sans négliger ses propres affaires, il est nommé conseiller du premier ministre de Gorbatchev, Ivan Sialev. C'est ainsi qu'il travaille avec Grigori Yavlinsky, un brillant économiste qui a pour ambition de transformer radicalement l'économie soviétique. Mais il doit affronter les vieux crocodiles du bureau politique. Et puis bon, vous le savez, le règne de Gorbi se termine bientôt. Oui, c'est après le putsch d'août 91. Et la montée en puissance de Boris Eltsine, qui va avoir raison de son rival. Fin 1991. L'Empire éclate. Et c'est la fin du système soviétique. Alors, conséquence pour Khodorkovsky ? Le passage brutal au capitalisme et à l'économie de marché ne peut que lui être favorable. D'ailleurs, il la plaide tous ses voeux. Ouais, décidément, il est loin, le militant des Komsomols. Oui, très loin. Et pourtant, songez que Khodorkovsky n'a pas encore 30 ans. Donc, il va faire partie de tous ceux, membres de la nomenclatura, officiers du KGB et jeunes loups du monde économique, qui vont profiter de la libéralisation. Alors que pour la masse du peuple soviétique, ce passage à l'économie de marché se traduit d'abord par une véritable catastrophe. C'est juste. Essentiellement à cause de l'inflation qui atteint des taux records et ruine les salariés et les retraités. Tandis qu'on privatise à tout va. Et Khodorkovsky n'est pas le dernier à bénéficier de cette campagne de privatisation des principales entreprises du pays, d'autant qu'il occupe désormais une position officielle. Exactement quoi ? Début 1992, le gouvernement réformateur d'Edgar Gaïdar le nomme à la tête du fonds d'investissement de l'industrie énergétique avec rang de vice-ministre. Vice-ministre, ouais, hein. C'est le début de ce que certains ont qualifié de relation incestueuse entre l'économie et le pouvoir. C'est aussi l'heure de l'envol pour ceux qu'on va appeler les oligarques et qui vont en très peu de temps bâtir des fortunes colossales. Khodorkovsky, par exemple, tout en occupant cette fonction officielle, achète, par l'intermédiaire de la Ménatep, des masses de bons de privatisation. Mais ailleurs, on parlerait de délit d'initié. Tout à fait. Mais rien ne semble pouvoir arrêter Khodorkovsky. Et même la disgrâce de son protecteur, Egor Gaïdar, ne peut l'atteindre. Bien au contraire. La nomination d'un nouveau Premier ministre, Tchernomyrdine, un ancien apparatchik soviétique, se traduit pour lui par le franchissement d'une marche supplémentaire. Rendez-vous avec X. La journaliste Laure Mondeville, longtemps en poste à Moscou pour le Figaro, analyse dans son ouvrage La reconquête russe le système qui a permis aux apparatchiks de s'emparer du trésor du Parti communiste. À partir de 1989, certains hauts responsables du parti, aidés dans leur entreprise par le KGB, s'étaient mis à s'organiser pour survivre en tant que classe au système totalitaire. Si nous ne pouvons garder l'idéologie, semblait-il se dire, prenons l'argent. La fin des années 80 et le début des années 90 correspondent à la ruée vers la richesse d'une nomenclatura qui gardait à travers ses positions clés dans la bureaucratie et les grands ministères, le contrôle de la signature des documents officiels. Une arme redoutable qui allait lui permettre de privatiser progressivement, à son profit, tout ce qui pouvait l'être, mais aussi de faire sortir du pays un trésor de guerre mystérieux que tout le monde en Russie connaît sous le nom d'argent du Parti communiste. Ce fut le département international du comité central qui supervisa l'aventure, chargé de la politique extérieure du parti, mais aussi de l'organisation du financement des partis communistes étrangers. Il possédait l'expérience très rare en URSS de l'utilisation de paradis fiscaux, du montage de sociétés écrans et du blanchiment de capitaux. Il allait par ailleurs s'appuyer sur les immenses réseaux et l'expérience internationale des services secrets. Le livre de Laure Mandeville a été publié par Grasset en 2008. En mars 1993, Mikhaïl Khodorkovsky est nommé vice-ministre du pétrole et de l'énergie. Auparavant, il a publié un livre, « L'homme au rouble », qui est rapidement devenu un best-seller. C'est le nouveau héros de la Russie. Et il se présente comme un modèle, au fond, comme autrefois Guizot. Il dit à ses compatriotes « Enrichissez-vous ». Il ne doute de rien. Non, tout lui est réussi. Et pourtant, ce monde affairiste est corrompu et dangereux. Certains conflits commerciaux se règlent à Kalachnikov et le racket bat son plein. C'est si vrai que les principaux chefs d'entreprise doivent faire appel à de toutes nouvelles sociétés de sécurité qui poussent comme des champignons. Or, où trouve-t-on les hommes capables d'assurer une bonne protection ? Dans l'armée ou les services. Ah oui, et ça permet donc à de nombreux anciens des services de renseignement d'approcher les milieux économiques et même de les contrôler peu ou prou. Par exemple, Khodorkovsky embauche un ex-général du KGB, dont il fait le vice-président de sa compagnie pétrolière. Une compagnie dont il entend bien faire la première du pays. Et vice-ministre du pétrole, il est bien placé pour arriver à ses fins. Hein. Naturellement. Mais il y a beaucoup plus grave que cette confusion des genres entre la gestion d'un ministère et celle d'une compagnie qui en dépend étroitement. De quoi voulez-vous parler alors ? De la première guerre de Tchétchénie qui commence en décembre 1994. Une guerre qui intéresse beaucoup les oligarques car un oléoduc traverse le pays. Un tube piraté par les indépendantistes du général Doudaïev. Et vous savez, car nous en avons déjà parlé, qu'un Boris Berezovsky poussera le président Elstine à entrer en guerre contre la Tchétchénie afin de récupérer le contrôle de cet oléoduc. Et Khodorkovsky est intéressé lui aussi par ce pipeline ? Oui, et à double titre. En tant que ministre du pétrole et en tant que patron d'une compagnie pétrolière. Et son intervention va être très curieuse. Expliquez-moi là. Les Russes veulent entrer en guerre, mais le budget de l'État est au plus bas. Ah ouais, ils n'ont pas les moyens de faire cette guerre. Quoi. C'est ça. Ouais. Et Khodorkovsky, c'est assez énorme, offre de financer l'armée et son offensive en Tchétchénie. Du mécénat, si je comprends bien. Oui, une sorte de privatisation de la guerre. Ouais. Mais j'imagine qu'il en espère une contrepartie. Ah bah bien entendu, Khodorkovsky est un homme d'affaires. Donc il compte bien avoir un retour sur investissement. Et l'aspect moral, parce que cette première guerre qui ne se termine qu'en 1996 va être atroce. Eh bien, apparemment, l'oligarque n'a aucun problème de conscience. Et en cela, il est à l'unisson de la grande masse des Russes qui considèrent que ces Caucasiens ne sont que des sauvages. Ouais, et qui méritent donc qu'on les massacre et qu'on ruine leur village et leur ville. Absolument. Alors, cette contrepartie, ce sera la reconstruction de la Tchétchénie après les dévastations commises par l'armée russe. Ah oui, alors on participe aux destructions et on touche ensuite pour reconstruire. C'est exactement ça, aussi choquant que cela puisse paraître. En tout cas, grâce à cet engagement, Khodorkovsky est devenu un personnage indispensable du système Eltsine. Un système qui avait d'abord pour raison d'être l'enrichissement du clan Eltsine. La famille, comme on va l'appeler. Et alors que les difficultés budgétaires de l'État russe ne cessent de croître. C'est de plus en plus évident. Le gouvernement ne parvient même plus à payer le salaire de ses fonctionnaires. Et ça donne une idée assez diabolique à l'un de ces oligarques qui, comme Khodorkovsky, font la pluie et le beau temps à Moscou. Qui c'est celui-là ? Potanine. Et c'est l'un des plus brillants de ces jeunes réformateurs qui entendent dépecer la machine économique russe. Alors profite. Bien sûr. Ouais. Et cette idée alors ? Potanine, mais il est suivi par les autres oligarques, propose que les banques nées sur les décombres de l'Empire russe, accorde des prêts à l'État pour le sortir d'affaires. Ouais, ça, c'est classique. Ah, mais ce qui est moins classique, c'est la garantie demandée. Des actions des plus grandes sociétés qui n'ont pas encore été privatisées. Les plus beaux fleurons de l'économie russe. Et si l'État ne rembourse pas dans un délai d'un an, ces actions deviendront automatiquement la propriété des banques. Et un an, c'est court, hein? Très court. Et quand cette proposition est faite au gouvernement, en 1995, il est quasi certain que l'État sera incapable de rembourser. Donc ces actions tomberont dans l'escarcelle des banques prêteuses. Et donc dans celle des oligarques. Je simplifie naturellement, mais c'est ainsi que ça va se passer. Grâce à ce tour de passe-passe, Khodorkovsky, pour sa part, va ainsi pouvoir mettre la main sur la deuxième compagnie pétrolière du pays, Yukos, pour un prix dérisoire. Mais ces oligarques ont donc fait front commun. Provisoirement. Mais ça ne les empêchera pas un peu plus tard de se déchirer et de jouer chacun leur partie dans ce gigantesque poker financier. Toutefois, en attendant, ils doivent affronter une sérieuse menace. Quoi ? L'ex-parti communiste de l'ère soviétique gagne les élections législatives de décembre, tandis que la cote du président Eltsine ne cesse de dégringoler dans les sondages. Or, l'élection présidentielle doit avoir lieu à l'été 1996. Ah oui, il y a donc urgence. Eh oui, car la survie de tous ces oligarques est liée à celle de Boris Eltsine. Si les communistes reviennent au pouvoir, tout est à craindre. Aussi, les oligarques vont-ils conclure un pacte ? C'est-à-dire ? Ils vont tout mettre en œuvre pour que Eltsine soit reconduit à la présidence. C'est ce qu'on a appelé le pacte de Davos. Parce que cet accord entre les oligarques est passé lors du grand forum international de l'économie qui se tient chaque année dans la station suisse. Aïe, aïe, il faut sauver le soldat Eltsine. Et pourtant, le cas est pratiquement désespéré. Non seulement sa popularité est au plus bas, mais il y a aussi des rumeurs sur sa santé. Et son alcoolisme chronique. Et d'ailleurs, 4 jours avant l'élection, Eltsine sera victime d'un accident cardiaque. Mais comment, alors, contre toute attente, ces oligarques vont-ils procéder pour le faire gagner ? Ils mobilisent tous leurs moyens. Les privatisations leur ont en effet permis de s'emparer de nombreux médias. L'un d'entre eux, Gusinski, a par exemple mis la main sur la chaîne de télévision NTV. La propagande, donc. Essentiellement. Mais ils ont aussi acheté des votes et participé à quelques trucages électoraux. Et Eltsine gagne. Et avec lui, les oligarques qui confortent encore un peu plus leur pouvoir. À Moscou, la presse, en parlant des 7 banquiers qui entourent Eltsine et le gouvernent, évoque même à leur propos la semi-bankirtchina, une référence historique à une époque du XVIIe siècle où, en l'absence du tsar, 7 boyards dirigeaient l'Empire. Ouais. Et Khodorkovsky est l'un de ces 7 boyards banquiers ? Ben, forcément. Cependant, à la différence d'un Berezovsky, Khodorkovsky évite de frayer trop ouvertement avec la famille. Ouais. C'est de la prudence ? Peut-être, mais c'est surtout que Khodorkovsky s'occupe de ses affaires qui sont toujours plus florissantes. Et les banques occidentales, dont le Crédit Lyonnais, participent à cette expansion. Un seul chiffre, qui vous donnera une idée du succès du jeune oligarque. La compagnie Yukos, qui lui a coûté quelques dizaines de millions de dollars, vaut désormais 15 milliards. Mais cette perpétuelle course en avant comporte aussi des risques. Et à la première crise financière, tout peut s'écrouler. We'll be right back. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. En mars 2002, la correspondante du Monde, Nathalie Nougéred, brosse le portrait de Mikhaïl Khodorkovsky. L'époque est loin où, habillé de jeans disgracieux, ce jeune moscovite, membre zélé des jeunesses communistes, concoctait dans une arrière-salle universitaire des plans d'importation d'ordinateurs et d'obscures opérations de change. Le magazine Forbes a consacré ce mois-ci M. Khodorkovsky, l'homme le plus riche de Russie, avec 3,7 milliards de dollars, 4,18 milliards d'euros. Qu'en pense l'intéressé ? La réponse est sobre. Oui, j'ai des moyens. Puis, narquoise, l'économie russe n'en est pas un degré de transparence tel qu'il soit facile de dire combien vaut telle ou telle action, telle ou telle compagnie. Un filet de voix au débit lent, un costume sombre, le visage impassible et lisse, M. Khodorkovsky reçoit dans son bureau, sans ostentation, au cinquième étage du siège de sa compagnie Yukos, le numéro 2 du pétrole russe. Il a la réputation d'être un travailleur acharné, redoutablement d'affaires, et d'être désespérément en quête, comme les autres magnats russes de sa génération, de respectabilité. Vous annonciez une crise financière possible. Et elle se produit effectivement en août 1998, lorsque le FMI refuse un prêt d'urgence au gouvernement russe. Acculé, celui-ci annonce dans l'urgence une dévaluation du rouble. Le système financier est en faillite et les petits épargnants russes se précipitent dans les banques pour récupérer leur argent. Oui, mais les caisses sont vides. Et les bons du trésor ne valent plus rien. On assiste donc à de véritables scènes de désespoir devant les banques assiégées par des familles soudain ruinées. Et Khodorkovsky dira plus tard qu'il a été très éprouvé par ce spectacle. Mais est-il sincère alors ? Difficile à dire. Quand il avoue cela, il est déjà passé de l'autre côté. En prison, vous voulez oui, dire ? Oui, alors, on peut douter. Mais pour revenir à cette crise, là, quelles conséquences directes a-t-elle pour Khodorkovsky ? Sa banque, la Ménatep, fait faillite. Ah oui, donc il ne rembourse pas les épargnants. Ni les banques occidentales à qui il doit presque 250 millions de dollars. Mieux, pour échapper à ses créanciers, il dissimule les actifs de sa compagnie dans des paradis fiscaux. Ah, ça, ça frise l'escroquerie. En effet. Mais là n'est pas le plus important. Cette considérable crise financière se traduit aussi par de grands changements au sein du pouvoir. Les oligarques, tout puissants, doivent céder la place. Et même, pour certains, fuir à l'étranger. Tandis qu'on assiste à l'ascension d'un nouveau clan, celui des Siloviki. Siloviki, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les hommes issus des ministères dits de force. C'est-à-dire les ministères de sécurité, armée, renseignement, douane, police. Et parmi eux, il y a forcément beaucoup d'anciens membres du KGB. Alors c'est le retour des tchéquistes. Et ce sera bientôt l'avènement de Poutine qui devient Premier ministre grâce au déclenchement de la Deuxième Guerre de Tchétchénie. Oui, après une série d'attentats, comment dire, très suspects. Attribués aux indépendantistes tchétchènes, mais dont on se demande s'ils n'ont pas été perpétrés en réalité par les organes de sécurité, quoi qu'il en soit. Poutine joue très finement en s'appuyant sur la famille. Ouais, le clan Yeltsin. Hein, mais aussi sur quelques oligarques, dont il ne tardera pas d'ailleurs à se débarrasser lorsque, devenu président, il aura assuré son pouvoir. Et Khodorkovsky, alors, que devient-il au milieu de cette tourmente ? Lui aussi joue avec beaucoup d'habileté. Non seulement, et malgré le pacte passé autrefois à Davos, il rompt avec ses amis oligarques, mais il clame qu'à l'avenir, on ne doit plus entretenir de confusion entre l'économie et les structures de l'État. Alors que c'est grâce à ce même État qu'il a bâti sa fortune, quand oui, même. Oui, mais désormais, Khodorkovsky se présente comme un homme d'affaires à l'occidental. Un modèle, en quelque sorte, qui ne songe qu'à renforcer et moderniser son empire industriel en chassant les corrompus et les incompétents qui s'y trouvent. Ah, c'est la transparence à la Khodorkovsky, hein. Et ça se passe comment avec Poutine ? L'homme le plus riche de la Russie est persuadé qu'il est indispensable. Et donc, Poutine n'osera pas s'attaquer à lui comme il l'a fait avec d'autres oligarques. D'ailleurs, tout en multipliant les acquisitions et en gagnant de nouveaux marchés, Il ne manque jamais de dire qu'il travaille pour la Russie. Ouais. Ce qui est bon pour Yuko, c'est bon pour le pays. Hein. Exactement, et à l'image de George Soros, le milliardaire américain, à qui il voue d'ailleurs une authentique admiration, il crée des fondations, en particulier en faveur de l'éducation des enfants et pour ouvrir son pays à la société civile. Une vocation de philanthrope maintenant. Peut-être. En tout cas, il doit se dire que ça ne peut pas nuire à ses affaires et à son image. Bien au contraire. Et effectivement, Poutine ne tente rien contre lui. Il lui arrive même de quêter ses conseils. Mais ça va bientôt se gâter. Expliquez pourquoi alors. Le premier incident se produit au début de 2003 au Kremlin. Ce jour-là, Poutine a réuni autour de lui quelques-uns des hommes les plus influents du pays. Et Khodorkovsky en est ? Oui. Et lorsqu'on lui donne la parole, il se lance dans une violente diatribe contre l'un des maux qui accable la Russie et freine sa croissance économique, la corruption. Et il donne des exemples. Ah, des exemples. Et réaction de Vladimir Poutine, alors ? Elle est glaciale, et même plus, menaçante. C'est-à-dire ? Poutine ne se prive pas de rappeler comment Khodorkovsky lui-même a acquis sa compagnie et bâti sa fortune. Et il prévient. L'oligarque devra peut-être un jour rendre des comptes. Ça, c'est clair, là. Et Khodorkovsky, tient-il compte de l'avertissement ? Eh bien, non. Tout au contraire, il annonce qu'il va se lancer en politique en créant un nouveau parti. Contre Poutine et son parti, donc. Et comme si ça ne suffisait pas, il se lance dans de grandes manœuvres financières en fusionnant sa compagnie Yukos avec celle que possède un autre oligarque, le richissime Abramovitch. Mais surtout, il procède à des échanges d'actions avec des majors états-uniennes comme ExxonMobil et Chevron. Alors, que cherche-t-il là ? Manifestement, en agissant ainsi, il espère échapper à la tutelle du pouvoir russe. En internationalisant Yukos. Évidemment. Mais ça provoque une énorme colère de Poutine, qui l'accuse publiquement de vendre des biens russes à l'étranger. Une colère d'autant plus violente que, dans le même temps, Khodorkovsky en appelle à la création d'une république parlementaire pour en finir avec le pouvoir arbitraire du Kremlin. Ouais, ça, c'est une véritable déclaration de guerre. Hein. Poutine ne s'y trompe pas. Il est bien décidé à faire tomber Khodorkovsky. Mais moi, j'ai du mal à... Comment expliquer ces provocations successives du milliardaire ? Il faut croire qu'assis sur son tas de dollars, ils se sont très sûrs de lui. Ouais, mais c'est de la témérité ou de la naïveté ? Franchement, je ne sais pas. C'est d'autant plus surprenant que Khodorkovsky ne prend aucune précaution particulière pour assurer sa sécurité. Il aurait pu, par exemple, s'exiler provisoirement, comme l'ont déjà fait d'autres oligarques. Mais non, lui préfère rester en Russie. En tout cas, que ce soit de la témérité ou de la naïveté, il faut lui reconnaître un certain courage. Berezovsky, par exemple, a fui en Grande-Bretagne dès qu'il s'est senti menacé. C'est sûr, car les avertissements à Khodorkovsky ne lui ont pas manqué. En juillet 2003, deux de ses plus proches collaborateurs, Lebedev et Pitchugin, sont arrêtés, accusés pour l'un de malversation et pour l'autre d'assassinat. Et Khodorkovsky, alors, ne semble pas comprendre qu'il va bientôt être personnellement menacé ? Alors que Poutine ne dissimule même pas ses intentions. Dans une conférence de presse, il annonce son intention de se battre contre l'influence d'hommes d'affaires qui sont uniquement préoccupés par leurs intérêts. Et pas par celui de la Russie. C'est évident. Et un jour d'octobre 2003, alors que le jet privé de Khodorkovsky vient de se poser sur un aérodrome sibérien, des agents du FSB... C'est l'héritier du KGB. Là. Oui, ouais. Des agents du FSB surviennent sur le tarmac, montent dans l'avion. Khodorkovsky est arrêté et dès le lendemain traduit devant un tribunal. Il est inculpé de vol par escroquerie au sein d'un groupe criminel, évasion fiscale à grande échelle. Et comme si ça ne suffisait pas, on ajoute d'autres chefs d'inculpation. Atteinte aux intérêts des actionnaires par tromperie, faux répété en écriture et dilapidation des biens d'autrui. Ouais, autant dire qu'il risque très très gros. Et il est immédiatement conduit en prison en attendant son procès. À noter qu'il est à peine arrêté que son compère, Roman Abramovitch, patron de la compagnie pétrolière avec laquelle Yukos a fusionné, s'empresse de le charger, dénonce l'accord passé et réclame $1 milliard. Ah, c'est un véritable lâchage. Un lâchage intéressé qui permettra à Abramovitch de garder ses fonctions de gouverneur d'un district autonome. Et de conserver surtout son immense fortune. Évidemment. Et le procès alors ? Il se déroule entre 2004 et 2005. Et comme il fallait s'y attendre, Khodorkovsky est condamné. Il écope de 8 ans de prison. Le procès a été truqué ? Il a été mené entièrement à charge et la défense a été sans cesse harcelée par la police. Autant dire que les magistrats aux ordres n'ont rien fait pour ménager Khodorkovsky. Ça continue ensuite. Après le procès ? Oui, l'oligarque placé au secret est en détention dans l'Est sibérien, dans une région où il fait moins 40 degrés l'hiver et où, à cause de la présence de mines d'uranium, on observe un taux élevé de cancer. Je ne parle même pas des brimades qu'on lui inflige presque quotidiennement. Ça, c'est la vengeance de Poutine. C'est certain. Mais Khodorkovsky résiste à tous ces mauvais traitements et dès qu'il le peut, il fait parvenir à ses proches et à la presse des déclarations où il reconnaît ses erreurs passées et dénonce les excès de pouvoir du régime. Et c'est un repentir sincère ? Et courageux, car le Kremlin n'apprécie guère. Mais l'important est ailleurs. Et c'est sans doute la vraie clé de cette affaire. La compagnie Yukos fait l'objet d'énormes redressements fiscaux. Et elle est dépecée morceau après morceau. Finalement, son plus beau fleuron, son entreprise d'extraction de pétrole, est acquise par une société pratiquement inconnue au cours d'une vente aux enchères plus que suspecte. Et c'est un proche de Poutine, un ancien du KGB naturellement, qui se trouve derrière. Alors vous pensez que c'était l'objectif du pouvoir et donc de Poutine ? Ça paraît limpide, non ? Le pillage de Yukos devait profiter à Poutine et aux siens. Mais vous le savez sans doute, Khodorkovsky n'en a pas fini avec la justice. Non seulement la libération conditionnelle lui a été refusée en 2007, alors qu'il avait déjà accompli la moitié de sa peine, mais il a été à nouveau mis en accusation et risque maintenant 20 ans de prison. Sous quel chef d'inculpation, alors ? On lui reproche d'avoir détourné 350 millions de tonnes de pétrole et d'avoir blanchi les fonds perçus lors de leur vente. Une accusation complètement loufoque, car cela correspondrait à 6 années de production de Yukos. Mais le procès est en cours à Moscou. Hein. Et il est à craindre que Khodorkovsky soit à nouveau lourdement condamné. Oui. Et certains observateurs qui connaissent bien la Russie et le système mis en place prédisent même que Khodorkovsky ne sortira jamais vivant de prison. Monsieur X a parlé des déclarations de Khodorkovsky en prison. Un seul exemple. Dans une interview recueillie par écrit à la revue Politique Internationale, il dit ceci. Aujourd'hui, le pouvoir ne pense qu'à une seule chose. Comment continuer de se nourrir sur le dos de ce pays généreux et ne jamais être tenu responsable pour quoi que ce soit ? Il faut bien le comprendre. Le système poutinien exclut, par définition, toute ascension sociale. Ce que ce système veut, c'est des exécutants obéissants et non des créateurs. C'est pourquoi, aussi longtemps qu'elle sera dirigée par un tel régime, la Russie ne connaîtra aucun progrès réel. Pour finir, quelques livres, 2 ouvrages de Roumiana Garchinska, KGB et compagnie à l'assaut de l'Europe et la guerre du gaz, puis, déjà cité, la reconquête russe de Laure Mondeville et le prisonnier du silence de Valéry Panouchkine, le KGB au pouvoir, le système Poutine de Thierry Volton et enfin d'Hélène Blanc et Renata Lesnik, les prédateurs du Kremlin. Autant d'ouvrages dont vous retrouverez les références, bien sûr, sur franceinter.com. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Valérie Ayestara et Michel Billou, Monsieur Joub. Tout de suite après le flash, on commence une nouvelle saison toute verte. C'est au de mon amour de Denis Chessou.